boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Un peu de Lane. As a Sentence, Love and Noise Experiment pour mon groupe français préféré du moment avec son intro pleine de guitares grinçantes et une rythmique compulsive. Mais bon, c'est pas le thème de ce soir. Ce soir, c'est la 8e session des triplettes. Non, toujours pas celle de Belleville, mais celle de Pop and Rock sur RVR. Et pour commencer, on file en Australie pour retrouver l'androgyne smithien Romy Vegger pour 3 titres, Astéroïde, Help Somebody de leur 2e album et The Actual World issu de leur 1er album datant de 2017. Allez, c'est parti avec RVG. We'll be right back.

wasn't sad, but I wasn't happy. Until the night unfurled, got mistaken for somebody. Welcome to my eggshell world. I wanna go home, but I wanna stay under the moon. If there were two of me, well, one could be with you. One that lived, the other hurts, breaking their skin. Shell world. I don't blame you, yeah, I blame you for doing what you prefer. Should've come here with a hammer to break apart the eggshell world. I wanna go home, but I wanna stay under the sun. If there were two of me, one would stay and one could run. But truth be told, si vous nous écoutez de temps en temps, on aime le grand écart musical. Donc après RVG, on fonce du côté d'Atlanta, au cœur des États-Unis, avec l'univers doux et poétique, mais toujours très rock, de Manchester Orchestra. Trois titres ce soir, Simple Math pour commencer, suivi de The Silence, et on terminera la triplette de Manchester Orchestra avec mon morceau préféré, Virgin. Off in my mouth. questioned it. What if it was true that all we thought was right was wrong? Simple math, truth cannot be fractioned. I imply I've got to get it back then. Retrouvez Pop & Rock sur le site rvrradio.fr pour les podcasts. Magnified in the sun, and a atomic. Let me hold you above all the misery. Let me open my eyes and be glad that I got here. Good night, y'all. Maintenant, on arrête de plaisanter. On se fait le troisième morceau de Manchester Orchestra, Virgin. You know someone you can move eyebrows just like anyone would bruise. And I know we've got a long way to go. I know we've got so far. We built this house with our hands and our time. Manchester Orchestra, attention, si vous avez aimé, allez plutôt sur l'album de 2011, Simple Math. Les albums plus récents ont un goût beaucoup moins rock, à vous d'aller voir, d'aimer ou pas. D'ailleurs, en parlant d'aimer, on va se faire une triplette, celle de Parlor Snake. Ça sonne rock, ça chante en anglais, Eugénie et Peter nous offrent trois morceaux de grosse culture rock. Il faudra d'ailleurs que je leur demande ce qu'ils ont écouté dans leur jeunesse pour placer du rock, comme dans Snake Crawl, qu'on écoute tout de suite, comme dans Watch Me Live, qu'on écoutera ensuite, et surtout, comme dans leur unique morceau chanté en français qu'on écoutera à la fin, qui s'appelle Serpent. à nos voisins, c'est Pop and Rock. Oh, à la radio, c'est déjà super, mais il paraît qu'en concert, ça envoie encore plus, surtout avec la petite Eugénie qui, sur scène, semble-t-il, n'a pas froid aux yeux. Bon, allez, petit point sur la soirée. Line, c'est rock. RVG, c'est hard. Manchester Orchestra, c'était fort. Perlos Neck, à l'instant, c'était très rock. Mais faut bien se calmer, alors je vous propose une petite balade pop dans l'univers du dénommé Mark Death. Voix légère, intro guitare douce, rythme faisant penser au Dao de la grande époque. On écoute tout de suite Les Étoiles, avant que Mark Death nous présente sa fiancée, puis ses drôles d'amis Henri et Elsa. Mark Death pour la quatrième triplette du soir dans Pop and Rock. Les étoiles brillent ce soir. Fais comme elles, elles te disent, prends pas du noir. T'es si belle, prends ton sourire et va les voir. Dans les ruelles électriques de Pigalle, les paradis artificiels. Tu fais les sympas, pas t'imagines. Fiancée. jouerons à ce jeu. Vous avez aimé? Pas de problème. Vous pourrez le retrouver sur la page Facebook de Pop & Rock, puisque tous nos Pop & Rock y sont en podcast. Vous y retrouverez aussi notre dernière triplette, Alt G. Si vous écoutez Pop & Rock, vous connaissez donc No Comment. On savoure notre dernière triplette du soir. Trois morceaux, Left and Free, 3WW et Blood Flood. Bonne fin de soirée et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. Bigger Battalini, Mini, Money, Mo, and Flower, you're the chosen one. With another left hand watches right and slip towards his nose. Big a battalini, mini money, mo and flower, you're the chosen one. I just want to love.